Comment instituer les libertés? Il y a un paradoxe de la liberté qui fait qu'elle n'est pas pensable en réalité sans une protection et même sans ce qu'on appelle une institution politique. C'est bien clair finalement pour les libertés relationnelles des humains les uns avec les autres. Quand ce mot « les libertés » finalement renvoie aux libertés des uns et des autres dans une même société. Ma liberté rencontre forcément la liberté de l'autre comme différence et il faut la respecter et c'est l'expérience aussi du désaccord qui fonde la démocratie, et finalement il n'y a pas de liberté des uns et des autres sans un cadre commun, sans des règles, ce que désigne le mot institution, pour les rendre conciliables. C'est là l'institution peut-être la moins paradoxale, la plus évidente, pour la liberté elle-même, celle qui définit ce que le philosophe John Rawls appelle les institutions de base de la société, qui doivent être fondées sur la liberté pour la rendre possible, pour les rendre compatibles aussi dans une même société. Mais il y a un deuxième niveau où cette institution de la liberté est encore paradoxale. C'est la contradiction même entre des libertés différentes. Par exemple, la liberté d'expression et en même temps la liberté aussi de la vie privée. Par exemple, beaucoup de conflits entre des libertés dans une même société. L'institution de la liberté est donc nécessaire aussi parce qu'il y a ce pluriel de nos libertés, les libertés publiques, non seulement la liberté des uns et des autres, mais des libertés dans certaines actions peut-être contradictoires. Et il y a encore une autre dimension très importante, c'est que la liberté doit être défendue partout, peut-être partout dans le monde, quand on manifeste aujourd'hui pour des libertés, qu'on a parfois raison de sentir menacé, parfois tort, parce que les limites de la liberté doivent être discutées au cas par cas dans une société qui s'est donné ce cadre. Quand on manifeste pour les libertés, on oublie parfois que cette manifestation elle-même est un signe au moins d'une certaine liberté que dans d'autres pays elle n'est elle-même pas possible. Il faut donc aussi se soucier des libertés des autres et pas seulement des nôtres, des libertés dans le monde. Et puis il y a encore un dernier paradoxe, c'est que même les expériences les plus intimes de la liberté, celles qui nous donnent ce sentiment de la liberté, le mouvement libre dans un espace à peu près respirable, et puis même le choix individuel sur les actions qui relèvent des plus intimes de notre propre corps, peut-être même parfois de la mort, le choix sur notre santé, le choix sur la vie et parfois sur la fin de vie, ces choix-là doivent parfois être protégés, être institués. Comment instituer les choix ultimes qui pourtant ne relèveront pas du politique, qui travailleront toutes les valeurs de notre vie, qui feront que la liberté sera confrontée à elle-même dans un vertige des conséquences et de la responsabilité, et bien jusque dans ses choix les plus intimes, l'institution doit intervenir pour en préserver en quelque sorte l'espace, préserver même le tragique de ses choix. L'importance de la liberté dans les choix ultimes, dans les choix de fin de vie par exemple, qui est au cœur de certains débats de bioéthique aujourd'hui, doit d'abord être reconnue pour ce qu'elle est, une institution de la liberté qui ne contredit pas, mais qui permet l'expérience de nos vies.